Dossier 2, livre page 18. Mon voisin, Mounir, est un souffleur de verre qui habite à Bab Sharki. L'autre jour, je l'ai visité dans son atelier et je lui ai posé quelques questions. Qui vous a appris ce métier ? Mon père était souffleur de verre et c'est lui qui m'a appris ce métier. Et vous, vous pensez passer votre métier à vos fils ? Bien sûr. J'aime le faire passer à mes fils et mes filles aussi. Ce métier fait partie de notre tradition familiale. C'était le métier de mes grands-parents. Vous commencez votre travail à quelle heure ? Chaque matin, j'arrive à mon atelier à 6h exactement. Quelles sont les étapes que vous suivez pour faire ces beaux objets ? D'abord, je recueille la pâte de verre en fusion à l'extrémité d'une canne creuse dans laquelle je souffle. Ensuite, j'invente la forme voulue et en même temps, j'applique les couleurs. Puis, je roule l'objet pendant que j'étire les extrémités avec une pincette. Enfin, je coupe le col avec des cisailles. Quelles sont les mesures de sécurité que vous prenez dans votre travail ? Avant de commencer le travail, mes fils et moi, nous portons des lunettes de protection et des gants. Mais quoi qu'on fasse, il y a quelquefois des brûlures et des inhalations de poussière.